Yeah. Hey. Bienvenue dans le club des bannis du bon goût. Ici on te raide avec le style et une odeur de victoire douteuse, raide escale. Au micro la tourelle au platine, le fun est prêt. Ouais, pa pa pa pa pa. Ouais, pa pa pa pa pa. Ouais, pa pa pa pa pa. Ouais, pa pa pa pa pa. J't'ai vu planquer dans ton bouche, petite fouine, pendant que j'étais en train de danser sur les lits en ruine. Ton pseudo gravé sur la porte des chiottes, avec un Eva tout ça au marqueur et des balles en notes. Ta déco, mauvais plan mec, quand tu reviens y'a plus de fondation que du deck. Ton pseudo dans mes chiottes, signé Raiderski. J'fais pas la guerre, j'fais des hits imbéciles. Tu crois me voir mais j'suis déjà loin, avec ton stuff et mon flow divin. T'as mis 3 heures à farmer ton stuff, moi 5 secondes à me faire un kiff. Un viewer m'a filé la vibe, bandon et boum, ta base dans mes chansons. C'est l'été, je mets du groove dans les combats, avec mon tombe sans façon saxophone, tabac. Tombe solo dans mes chiottes, avec des lèvres. J'stream tes larmes en foulage des sans flemme. T'as farmé pour moi, t'es mon employé. Ton nom brille sur ma porte de PC doré. Suno joue le beat, moi j'place les vannes. Toi tu cries, oh, moi j'te banne. Une tourelle m'a dit encore un remix. Je lui ai filé ton pseudo, elle t'a fait un mix. Ton pseudo dans mes shots, remix de l'été. T'as perdu ton âme et ton loot enchanté. Avec Raiderski, le troll est sacré. Sur Austin danser, on vient de quitter. Ton pseudo dans mes shots, remix de l'été. T'as perdu ton âme et ton loot enchanté. Avec Raiderski, le troll est sacré. Sur Austin danser, on vient de quitter. Avec Raiderski, le troll est sacré. Sur eux, ce qu'on danse et on vit.